Chapitre 2. Une curieuse collection de célibataires. Une heure plus tard, je connaissais les adresses multiples du mystérieux noyé au cinq noms. Monsieur Croupion avait habité rue de Rivoli. Je me rendis aussitôt à l'adresse indiquée, très curieux de faire la connaissance de madame veuve Croupion. M'y voici. Au rez-de-chaussée, une épicerie. J'entre afin de me renseigner. Un gros monsieur vient à moi. « Pardon, monsieur, dis-je, est-ce bien ici qu'habitait monsieur Croupion ?» Le gros homme eut un sourire candide qui épanouit sa face. Il me répondit « Monsieur Croupion, c'est moi !» Je sursautai en balbutiant « Comment ? Mais vous n'êtes pas mort ?» Monsieur Célestin Croupion parut légèrement offusqué de ce qu'il prenait pour une plaisanterie de mauvais goût. Il me répondit, très grave, presque solennel, « Mais, monsieur, j'espère bien ne pas mourir aussi jeune. »« Excusez-moi, je vous prie, dis-je confus, je crois m'être trompé de Croupion. »« Pas du tout, monsieur, je suis le seul Croupion de la rue de Rivoli. »« Et vous êtes bien, monsieur Célestin Crou. »« Célestin, assurément, monsieur, Célestin, pour vous servir. »« Voilà qui est extraordinaire. » Monsieur Croupion me considérait de cet air méfiant dont on contemple les fous d'une espèce dangereuse. Bravement, je mis les pieds dans le plat et lui expliquai qu'un cul de jatte portant son nom était mort. Il y avait confusion, etc. Mon interlocuteur me fit remarquer que cette confusion était pour le moins étrange, qu'il y avait très peu de Croupions à Paris, qu'il n'avait jamais épousé personne et qu'il ne caressait aucun espoir matrimonial. Je n'en demandais pas tant. Je m'excusai encore. Par la force de l'habitude, M. Croupion me salua d'un « Tout à votre service, monsieur !» auquel je répondis « Trop aimable, monsieur !» Et je me rendis au domicile de M. Félix Lenoir, rue Montmartre, au troisième. Une petite bonne vint m'ouvrir. « Suis-je bien chez M. Félix Lenoir ?»« Oui, monsieur, veuillez entrer. »« Madame Lenoir est-elle visible ? » demandai-je. « Il n'y a pas ici de Madame Lenoir, il n'y a que M. Lenoir. » Encore, fis-je en me tournant vers le grincheux qui venait de surgir. « Encore ? Encore quoi ?»« Monsieur, excusez-moi, je vous prie, il doit y avoir erreur. » Je suis à la recherche de M. Félix Lenoir. Eh bien, monsieur, gronda mon interlocuteur, je vous répète pour la seconde fois que M. Félix Lenoir, c'est moi. Que voulez-vous ? Je dus faire un effort pour ne pas m'écrier comme la première fois. Vous n'êtes donc pas mort non plus ? Je pris mon parti et j'expliquai, comme à l'épicier, le but de ma visite. M. Lenoir n'attendit pas la suite de mes explications. « Monsieur, dit-il d'un ton péremptoire qui n'admettait pas de réplique, je n'apprécie pas du tout ce genre de plaisanterie. Au surplus, je n'ai pas de temps à perdre. Monsieur, je vous salue. » Je voulus m'excuser, mais le terrible homme avait ouvert la porte d'un geste si décidé que je jugeai inopportun d'insister. Fallait-il vider ma coupe jusqu'à la lie ? Oui, et puis, qui sait ? Les trois autres étaient peut-être morts pour tout de bon. Me voici rue Bonaparte, chez M. Maxime de Tal. Un petit bonhomme tout sauteux, au geste prudent, me reçoit. « Monsieur Maxime de Tal, commençai-je. » « C'est moi, monsieur, Maxime de Tal, chef de bureau au ministère des Affaires étrangères, décoré de... » Je coupai. « Vous permettez, monsieur, une question ?» « Je vous en prie. Vous ne vous êtes jamais marié ?»« Hélas non, monsieur. En voici la raison. Je ne voudrais pas être indiscret à ce point, non, monsieur. » Rapidement, j'exposai le but de ma visite. Avec une politesse onctueuse, M. de Tal me reconduisit. Une barbe, mais quel brave homme ! Il s'excusa pour la sixième fois du dérangement qu'il m'avait occasionné, bien involontairement, il m'exprima tous ses regrets. Pour un peu, il se fut excusé de n'être point mort dans la peau du cul de jatte. Puis me voici chez M. Désiré Chéla, un antiquaire maniaque doublé d'un célibataire endurci. M. Chéla comprend très bien mon cas et celui du cul-de-jatte noyé et, tout en me montrant sa galerie, il me conseille fort d'acquérir un casque ayant appartenu à Caïn, le meurtrier d'Abel, une chemise de Moïse, un parapluie ayant servi à Cléopâtre et le vase dans lequel Ponce Pilate se lava les mains. Je remercie de ses bons offices cet homme affable et je me rends chez Théodore Loret. Monsieur Loret offre au premier examen tous les symptômes du crétinisme intégral. Il me confie qu'il a voulu se marier il y a 2 ans. On lui a déclaré à la mairie, avec preuves à l'appui, qu'il avait épousé une dame la rue d'Huys, qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Le fonctionnaire qui lui fit cette déclaration était si sérieux qu'aucun doute n'a germé dans le cerveau obtus de Théodore Loret, qui s'est excusé de sa méprise et s'est retiré. Sa fiancée, qui était servante dans l'hôtel où il gîte, l'a giflé magistralement. « C'est bien ce que je pensais, » me dit Lautrec, quand je lui eus exposé les résultats de mes recherches. « En ce cas, mon ami, vous auriez pu me dispenser de faire des démarches ridicules. »« Ne vous fâchez pas, mon cher, je voulais m'assurer de l'exactitude de mes prévisions. » Il résulte de mes premières constatations que l'étrange noyé s'était marié au moins 5 fois sous des noms portés par des hommes qu'il devait connaître. Peut-être ceux-ci me permettront-ils d'établir d'une façon exacte l'identité du peu scrupuleux personnage qui croyait ensevelir son secret dans la tombe. Comment la police n'a-t-elle pas eu vent de tout ceci ? Les cas de bigamie, de trigamie, etc. sont plus fréquents qu'on ne le pense. Certes, notre fameux cul-de-jatte a exagéré. Il aura rencontré des difficultés, mais il les aura surmontées. Ceci nous amène à supposer que nous avons affaire à un adroit coquin. Je viens d'éclaircir un premier mystère. Il en restera bien d'autres, je pense, à dissiper.